Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous sommes bénis le vendredi 29 mai 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ est en 99.6 en modulation de fréquence. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes. La semaine dernière déjà, toujours le vendredi, c'était le vendredi 22 mai 2015. Nous traitions dans ce studio d'un thème fort évocateur. On parlait de l'astrologie avec une grande question. Pouvons-nous nous fier aux prévisions astrales avec le bishop Olo Olo Diodonné qui est avec nous, qui avait commencé à nous donner un enseignement sur l'astrologie, un enseignement bien entendu tiré des Saintes Écritures. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons avoir l'amitié et l'honneur du professeur Hermagnac Liport qui sera là dans ce studio, qui va également venir ici pour parler d'astrologie puisqu'il en est expert. À la lumière des Saintes Écritures, on va pouvoir affronter ou alors confronter ces deux sciences, si je dois les appeler ainsi, le christianisme et l'astrologie. Est-ce que nous devons nous fier aux prévisions astrales? C'est la grande question de ce soir. Mesdames et messieurs, vous pourriez participer à l'émission en appelant 243 07 56 32, ou alors envoyer des SMS au 699 49 37 90. Et comme il est de coutume, je ne suis pas seul dans ce studio accompagné de Charlie Bacody. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane Mevoix, bien aimé dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Tous les matins, les programmes radio et télé sont marqués par la diffusion de l'horoscope ou message des astres, censé guider les auditeurs et téléspectateurs dans leurs activités journalières. Chiffres porte-bonheur, atomes crochus, couleurs préférées, meilleurs moments de la journée sont autant d'informations contenues dans ces messages. Devons-nous considérer ces messages? Que dit la Bible de ces horoscopes qui parfois n'ont rien en commun? Lumière sur les ondes, deuxième partie, est une réalisation de Tonton Théo. Charlie Bacody et Franck Stéphane Mevoix à ces micros de présentation. Plusieurs illustres invités ont répondu favorablement à notre invitation. Bishop, professeur, évangéliste avec nous, essaierons à la lumière de la parole de Dieu d'apporter des éclaircies sur cette question. Mais avant, voici Georges Eliot pour planter le décor de ce programme. A tout de suite. C'est un jour béni. avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit viens et bois de cette eau qui ne tarit pas. Écoute chacun de ces mots. Oh, oh. Les mains tendues vers toi, il t'a dit ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Hey, yeah. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui sans te retourner. Suis tes ennuis, tes difficultés. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Retour dans ce studio après cette belle transition musicale à nous offerte par George Eliot dans le titre « Marche avec lui ». Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, soyez les bienvenus à la deuxième partie de cette émission « Lumière sur les ondes » qui revient parler de la question de l'astrologie, l'horoscope, les prévisions astrales. Que pensez-vous de ces messages? Devons-nous considérer ces messages? Que dit la Bible à propos? Franck Stéphane Mevoy, rebonsoir. Rebonsoir Charlie Bakodi. Que dit la Bible à propos? Que dit également l'astrologie à propos? Alors la science, parce que dans ce studio nous avons des hommes de Dieu, également un parapsychologue qui nous a fait l'amitié et l'honneur de sa présence. Je crois qu'on l'annonçait déjà vendredi dernier et ce soir il est là. On va peut-être commencer par lui dire bonsoir. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous qui m'invitez ici, ainsi que les autres invités qui sont là depuis. Parce que moi je viens de les rejoindre, donc je suis content d'être avec vous. Voilà. Alors on rappelle que vous êtes le professeur Hermaniek Liport, qu'on cite beaucoup dans les chaînes de radio et de télévision en ce qui concerne l'horoscope. C'est ça aussi. Ok. Alors Charlie Bakodi n'est pas seul dans ce studio. Professeur. Il n'est pas seul dans ce studio, bien connu de notre studio également, l'évangéliste Élie Bertrand Tchapda Junior qui est avec nous et qui également nous a fait l'honneur d'être notre invité. Évangéliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence du corps de Christ. Bonsoir au professeur, bonsoir à mon frère, bonsoir à tous les auditeurs dans tous les lieux, que ce soit dans ce pays et dans le monde entier. Un autre qui est également là avec nous pour faire la boucle des trois invités ce soir, c'est le Bishop Olo Olo Dieudonné, serviteur de Dieu à qui on dit également bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à vous, bonsoir et merci au Seigneur qui nous permet une fois de plus de nous retrouver ici en cette soirée pour éclairer l'opinion sur ce sujet fondamental qu'est l'astrologie. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Messieurs, soyez les bienvenus. Nous entrons d'entrée de jeu dans ce studio avec le professeur Hermaniek Liport. Professeur, nous entrons de plein pied. Pour ceux qui ne savent pas, on entend parler de l'astrologie, de l'horoscope. Concrètement, c'est quoi l'astrologie? Comment peut-on définir l'astrologie? Bon, l'astrologie est la science qui a donné naissance à l'astronomie. Donc c'est une vieille science et Peut-être que c'est son côté divinatoire qui est embête, mais c'est grâce à ce côté divinatoire qu'il y a des astrophysiciens aujourd'hui. Donc c'est parce que l'homme est en quête de la découverte de ce que les uns et les autres appelleraient mystère, qu'il arrive à découvrir même la mise en place de nouvelles technologies. Alors l'astrologie précède donc l'astronomie, et grâce aux études de cosmologie, aujourd'hui on ne doute plus l'importance de la découverte des planètes. Alors la découverte des planètes, dans un sens astrologique, consiste à voir l'influence des planètes sur des individus que nous sommes. Parce que l'homme est microcosme, alors que l'univers est macrocosme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes un univers en miniature. Résultat, l'astrologue doit étudier le mécanisme qu'il y a entre l'univers global et l'univers en miniature que nous sommes. Ok, voilà. Professeur. Alors, évangéliste Tchaba, oui. Je me retourne immédiatement vers vous, oui. Avec une phrase du professeur qui a dit que les planètes pouvaient avoir une certaine influence sur les hommes. Est-ce que vous pensez que la planète Neptune, Saturne ou alors Uranus pourrait avoir une influence telle que nous le précise, peut-être après il va développer, telle que nous le précise le professeur ici? Voilà, avant de répondre à la question, j'aimerais préciser qu'il faut que les auditeurs sachent que nous sommes dans lumière sur les ondes. Nous sommes là pour donner la lumière selon les Écritures, les Saintes Écritures. En ce qui concerne la Bible fait état du fait qu'il y a deux entités qui gouvernent le monde. Le Seigneur Dieu des armées qui a créé les cieux et la terre, et une entité démoniaque, la cohorte donc portée par l'archange qu'on appelle Lucifer. Il a été assoiffé du pouvoir. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 28 verset 12 et suivant, et puis Ésaïe chapitre 14 verset 12 et suivant également, que Satan avait convoité la position de Dieu. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 14 verset 12 et suivant, qu'il a fait entraîner le tiers des anges. Le Nouveau Testament, par la plume de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous explique au chapitre 6 d'Éphésiens, au chapitre 6 verset 11 et suivant, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le mot lieu céleste qui nous implique, qui nous intéresse là-dedans, parce que pour répondre à la question, il faut que j'entre dans ces détails-là. Si nous revenons dans Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 19, si on prend à partir du verset 15 particulièrement, mais le verset 19 nous intéresse. Lorsque les Juifs sortaient de l'Égypte, Dieu leur a donné une injonction claire, que lorsque l'Éternel vous est apparu à Horeb, vous n'avez pas vu une représentation quelconque. Que faites attention à ce que vous ne vous... Au verset 19 particulièrement, il dit que de peur que tournant les regards vers les cieux, vous ne venez à vous prosterner devant le soleil, devant la lune et toute l'armée des cieux. Voilà encore le même mot qui revient, l'armée des cieux. Et le mot hébreu qui est écrit par l'armée des cieux, ce sont des connotations des planètes, des astres et autres. Donc Dieu a formellement interdit. Je crois que dans la première partie de l'émission, vous avez évoqué ici Deutéronome chapitre 18, verset 14 et suivant, qui parle de l'interdiction formelle. La pratique, c'est clair dans la Bible. Sans ambiguïté, Lévitique chapitre 20, verset 7, 27 et autres. Donc Dieu a interdit au peuple juif, ça c'est pour le cadre de la décalogue, parce que les juifs étaient choisis par Dieu pour manifester sa loi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu veut nous montrer qu'il y a des choses dans les cieux. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare que Satan est le prince de la puissance de l'air. Donc il y a effectivement un gouvernement qui se trouve en dessous des cieux de Dieu. Il y a un gouvernement invisible en dessous des cieux de Dieu qui habite dans des planètes. C'est pour ça que la Bible déclare, par exemple, il y a les dieux Apollon dans la Bible. La Bible parle de Dieu Apollon, par exemple, le dieu Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète, effectivement, dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Donc, effectivement, ces entités dont ont l'influence sur des êtres humains, sur la terre, non seulement sur les êtres humains, mais sur les activités de près ou de loin dans tout ce secteur d'activité sur la terre. Donc, vous êtes d'accord avec le professeur? Absolument. Dans ce concept, on peut avoir une influence en fait, voici positive. Donc, d'après la définition qu'il vient de donner, ce n'est pas l'astre en somme qui est le problème, c'est-à-dire que ce n'est pas la planète de Jupiter, c'est qu'il y a un démon, une entité spirituelle qui habite sur Jupiter, c'est ça exactement le problème. Et dont l'influence est forcément négative. Négative. Bishop Olo-Olo, tel que défini par le professeur, peut-on considérer l'astrologie comme une science occulte? Toute science qui ne concourt pas au salut de l'homme, qui ne rapproche pas l'homme de son créateur, est une science nulle et occulte. Elle est vaine. C'est pour cette raison que Dieu est formel dans sa parole. Parce que vous voyez, tout part toujours du livre de Genèse 1. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. vous voyez la position des ténèbres, c'est au-dessus de l'abîme. Et l'abîme, si vous voyez au fond, parce que c'est comme un tapis, n'est-ce pas, vous vous y aventurez, vous allez vous retrouver dans la perdition. Et aussitôt, Dieu a vu une menace. La Bible déclare, puis Dieu dit que la lumière soit, parce qu'il y avait la nécessité immédiate de créer une autre force d'opposition, parce que là, il faut dire, il y a la force négative et la force positive. Et les deux sont maintenant en compétition dans le monde. Donc, tout pouvoir en ce qui concerne l'astrologie, comme l'a défini l'évangéliste, on a cité ici Deutéronome 4. Et dans Deutéronome 18, il est même dit, il parle de cette pratique comme d'une abomination. Et il dit même, il continue, il dit, c'est à cause de ces abominations qu'il chasse ces nations-là. Donc l'astrologie est même, c'est plus que tous les autres péchés qu'on va citer dans Exode 20, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Parce que là, c'est des péchés qui sont commis par l'individu. Mais maintenant, l'astrologie, c'est tout un peuple, c'est toute une nation qui est chassée, qui est dépossédée de ces des faveurs de Dieu. Donc, lorsqu'un peuple abonde dans l'astrologie, automatiquement, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, part de ce peuple, et il le livre, n'est-ce pas, à l'abomination. Ok, Bishop, on vous aura compris. Je reviens à vous, professeur Emmanuel Liporte. Vous êtes avec nous dans ce studio. Moi, j'ai quand même essayé de faire des investigations en tant que journaliste. Je me suis rapproché des personnes qui sont friands d'horoscope. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas évoluer dans leur vie sans toutefois avoir écouté l'horoscope le matin. Ces personnes m'ont dit, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que c'est par le suivi à la lettre des prévisions astrales qu'elle a pu rencontrer son âme sœur. Ça veut dire que s'il faut garder le témoignage de cette personne, il n'y a pas que du négatif, puisque cette personne témoigne que elle ne peut pas vivre sans toutefois consulter ou alors écouter le message des astres. Ouais, bon, je crois pas qu'on aura le temps d'antenne équitable pour les débats, parce que deux contre un et parlant la même chose, il y a des risques que je sois mis en minorité. Bon, mais c'est vrai que c'est une radio chrétienne. Ouais. Voilà. Et je comprends le jeu. Et je suis venu exprès, je savais. Mais en réalité, moi, je suis en débat scientifique. Ouais. Je ne suis pas en débat de croyance. Parce que la croyance n'est pas une science. Voilà, on croit à quoi? Et surtout que, permettez-moi de dire, tout peuple est dominé par un peuple adopté le son Dieu. Cette histoire, ceux qui disent l'histoire des religions, savent que nous sommes un peuple dominé et nous avons adopté au Yahweh. Et c'est de Yahweh qui arrive Jésus. Et Yahweh, c'est le Dieu d'Israélite et des Cananéens qui, à un moment donné de la vie, des personnes de cette zone, la zone de l'Asie du Moyen-Orient, avaient décidé qu'eux, ils ne vont pas adopter le Dieu des dominants. Et c'est comme ça que, heureusement, Yahweh restait en vie. Parce que tous les dieux qui avaient, l'Afrique en sait quelque chose aujourd'hui, toutes nos traditions sont à la merci de la donne néocoloniale, coloniale puis néocoloniale. Donc, je ne vais pas blesser les esprits ou bien les entendements, mais ce n'est pas les arguments qui manquent. Voilà, parce que je peux respecter, mais quand on est dans un débat, ça peut devenir un combat. Voilà. Donc, soyez-vous tranquille, je suis très outillé. Ouais. Voilà, parce que moi, je ne mets pas en doute la Bible, mais la Bible n'est pas un livre modèle. Mais pour la simple raison, non, j'ai déjà affaire aux journalistes. Bon, pour la simple raison que moi, je connais les versets bibliques qui mettent en mal la Bible. Oui. Mais et personne ne peut les lire s'il les commenter. Donc, je suis venu pour l'horoscope, pas pour la Bible. Oui. Si on s'appuie sur la Bible pour débattre, ça va devenir un autre problème. Parce que un débatteur est celui qui est outillé, qui est cultivé, qui n'a pas l'appui sur un document comme si ce document a toute la science infuse. Non. Alors, professeur, revenons à la question. Alors, est-ce que vous avez des personnes, puisque vous êtes pratiquement... Alors, je fais l'horoscope. Qui consulte les Je fais l'horoscope depuis l'enfance, depuis mon jeune âge. Bon, je crois que c'est plus de 30 ans ou 40 ans, voilà, environ. Et comment? Moi, j'ai été curieux. Quand j'étais gosse, c'est que j'aimais consulter l'horoscope dans les journaux. Et après, j'ai bénéficié des travaux d'une dame qui était française et qui faisait des travaux pour des hommes politiques, pour les clergés et autres. Parce qu'on consultait l'horoscope dans la soirée et dans la nuit. On lit un journal, on achète un journal pour l'horoscope, mais on fait comme si, comme on est chrétien, l'horoscope ne sert à rien. Alors que le journal, on l'a acheté pour l'horoscope. Alors, les clergés consultaient donc cette dame. Et moi, j'ai décidé que je dois aussi la consulter. Elle m'avait fait des prévisions. J'ai fait quelques années, j'ai constaté que ce qu'elle disait semblait tenir. Et j'ai donc décidé d'étudier comment on peut en arriver là, par curiosité. Et je suis arrivé à un niveau où j'avais un ami médecin suisse. Alors, par après, on se retrouve encore au Cameroun. Et puis, il décide de dormir, de rester chez moi. Il est venu pour la Loutième. Il se décide de rester chez moi. Et il constate qu'on lit l'horoscope d'un journal français qu'on appelle Horoscope à la radio au Cameroun. Il me dit, mais attends, mais toi, tu sais faire l'horoscope. Tu as exploré cette histoire-là. Pourquoi tu ne peux pas faire des prévisions pour les Camerounais? Parce que tu es Camerounais et parce que ça sera plus vrai qu'un document qui vient de l'Hexagone et on vous influence avec. Parce qu'on doit te payer pour le faire ou pas. Alors, c'est là qu'il discute avec Thomas Babi Koussana de Radio Douala. À l'époque, c'est lui qui est chef service, qui s'occupait des programmes. Voilà. Et puis Thomas Babi Koussana est affecté à Yaoundé. Mbela Essenga Isaac perd son âme. Et là, je lui fais des études à partir de sa carte de visite. Et puis, il se souvient que Thomas Babi Koussana lui avait demandé de me chercher et décide que je commence à donner des prévisions astrologiques. Il y avait une certaine Anna Gombeg qui s'occupait alors de la lecture de ces documents à chaque fois, qui n'était pas d'accord. Mais finalement, la direction de la RH avait pesé de tout son poids. Et c'est comme ça que l'horoscope arrive, l'horoscope camerounais, entre dans le paysage médiatique. Nous sommes en quelle année, par là? Nous sommes dans les années 71, voilà, si j'ai bonne mémoire. Techniquement, dans ce domaine. Mmh. Professeur, d'où vient l'horoscope? D'où vient le message? L'horoscope, comment le calcule-t-on? L'horoscope, c'est en fait, avant, ce n'était pas les prévisions. C'était une étude thématique, c'est-à-dire à partir de la date de naissance de quelqu'un, on pouvait essayer de voir sur le plan médical, parce que moi j'ai fait l'école traditionnelle d'astrologie de France, avec pour spécialité, astrologie médicale. Alors cet horoscope étudie plutôt le côté thématique, en fait. Parce que l'astrologie, c'est global. L'horoscope, c'est l'étude des thèmes. Mais avec le temps, les gens ont plutôt vu le côté divinatoire. Parce qu'en fait, l'homme est superstitieux par essence. Parce que même la croyance en Dieu s'est faite par le biais de la superstition. Alors, cette croyance, c'est-à-dire cette superstition, fait donc que l'horoscope perd ses lettres de noblesse. Ça devient plutôt un élément divinatoire. Alors, en tant qu'élément divinatoire, c'est plus nécessaire pour le commun des mortels. Et là, on est obligé de partir sur la base de la carte du ciel, soit d'un pays, soit d'une ville, soit d'un individu, pour pouvoir voir la position des planètes. Parce que les planètes, en fait, pour l'astrologue, c'est des entités qui bougent. C'est-à-dire, elles peuvent être domiciliées dans la maison de tel pendant telle période. Elles peuvent être, c'est-à-dire une planète peut être l'amie d'une planète, elle peut être l'ennemi de l'autre planète. Mais professeur, je vais revenir à ce que, sans vouloir vous couper, à ce que l'évangéliste Tchabda était en train de nous dire. On voudrait quand même comprendre comment des astres qui ne sont pas des êtres humains peuvent avoir le sentiment amical ou alors le sentiment d'inimitié ou alors d'ennemi. Est-ce que ça ne revient pas à ce que l'évangéliste est en train de dire, que des démons sont des démons qui prennent corps dans ces différentes planètes? Je m'interroge. Ouais. Pas professionnel, là, quand on ne comprend pas un problème, on a raison de donner n'importe quel qualificatif à ça. Mais le problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'étude des vibrations. Il y a les vibrations électromagnétiques. Aujourd'hui, nous utilisons les ondes pour pouvoir communiquer avec ceux des chrétiens. Ce soir, quoi? Ceux des chrétiens qui décident de suivre cette émission. C'est les ondes. C'est des vibrations électromagnétiques. Alors, comment on en arrive là? Par une étude métaphysique. C'est pas par une étude de croire ou de pas croire, non. C'est qu'on doit palper la quintessence vibratoire de ces électromagnétiques, ces vibrations électromagnétiques, pour arriver aux ondes FM ou pas. Alors, cette étude ne s'est faite que par des précurseurs, des gens qui s'intéressent au mouvement des astres, c'est-à-dire à la cosmogonie, c'est-à-dire à l'influence des champs magnétiques du cosmos. Ce n'est pas des gens qui croient ou qui ne croient pas. Non, c'est des gens, parce qu'un scientifique est celui qui ne croit pas, d'abord au départ, mais qui ne rejette rien. C'est pourquoi souvent les médecins ne sont pas des scientifiques, parce qu'ils taxent carrément les autres des charlatans, sans chercher à savoir qu'est-ce qu'ils font. Un scientifique, c'est quelqu'un qui observe, hein, qui expérimente, en vue de trouver un résultat, comme le disait Harry Poincaré. Il dit qu'il n'y a pas le baccalauréat pour les théories. C'est pour l'observation, l'expérimentation et le résultat. D'accord, professeur, voilà. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Évangéliste Tchabda, tel qu'expliqué avec tant de détails par le professeur, on se rend compte que ces messages des astres ne sont pas des inventions, mais ce sont des calculs prévisibles. Qui sont basés vraiment sur des résultats scientifiques, des données scientifiques. Aujourd'hui, par exemple, il y a les logiciels, par exemple, l'astrologie, tel qu'il a défini. Voilà. Mais quel qu'en soit le cas, j'ai suivi le professeur depuis ma tendre jeunesse, je connais certaines de ces conférences qu'il a données, de certaines reportage qu'il a donné, je vais citer quelques-uns de ses propos ici tout à l'heure, mais ils sont seulement victimes de la sorcellerie, donc ce sont des sorciers modernes. Ce qu'on va dire, c'est ceci, je m'excuse si je le dis, mais il faut dire la vérité. Je suis du côté du camp de la vérité de la Bible. Il a dit tout à l'heure là que Yahweh c'est le dieu des juifs, et il veut par là montrer qu'on nous a colonisé avec cette même mentalité. Donc on a des réalités dans le cadre africain, pour le cadre africain, que nous avons fait table rase au profit de la Bible. Ce qu'il veut dire, c'est que, et lui, et tous les scientifiques, quel qu'en soit l'endroit où se trouve sur cette terre-ci, ont une réalité qu'ils ne peuvent pas réfuter, c'est que Dieu vient avant la science. Puisqu'ils utilisent les éléments créés par ces dieux, ils ne peuvent pas refuser cela. Et quand c'est Dieu qui dit dans la Bible qu'il a créé les cieux et la terre, c'est lui qui les a créés. Il a placé, comme dans le livre de Job, au chapitre 38, il demande à Job, que est-ce que c'est toi qui as-tu déjà ordonné au ciel, quoi, connais-tu les lois du ciel? Donc Dieu a déposé les lois dans le ciel. Par exemple, P égale à MG, Newton découvre cette loi-là, et ce n'est pas lui qui a créé la loi. C'est quelque chose, un phénomène que Dieu a créé, la mise là, il a permis. Et Satan vient expliquer ces lois-là, comme il a commencé dans Genèse chapitre 3, que si vous mangez ces fruits-là, vous deviendrez comme des dieux. Donc c'est une explication. Donc tout cela, comme il a dit, il allait à l'école de l'astrologie en France, c'est l'initiation, ce sont les initiations qu'on donne, c'est pas n'importe qui. Même l'astrologue, lui-même, il a dit dans une interview accordée à un journal camerounais, par rapport aux matchs qu'on joue, il a dit clairement que quelqu'un ajouter une équipe qui ajoute du talent avec un peu d'astronomie, d'astrologie, la magie, réussira toujours. Mais il a conseillé effectivement que tout joueur qui gagne avec son argent, avec de la magie, finit tôt ou tard mal. Qu'est-ce qui est derrière? C'est ce qu'il a dit dans son interview. Alors maintenant, qu'est-ce qui est derrière? Et parallèlement, il dit que celui qui va jouer avec du talent et gagnera son argent pourra vivre longtemps avec cela. Donc ce qu'il ne comprend pas, c'est que les scientifiques n'ont pas la terminologie démon. En France, par exemple, en français, quand quelqu'un va voler, avoir l'habitude de voler, on va parler de la kleptomanie. La Bible appelle ça démon. C'est-à-dire que quelqu'un, il y a une entité spirituelle qui est derrière les gens pour le pousser à enfreindre la loi de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Évangile, on reviendra sur l'interview que vous avez, je vais dire, pistée et tracée du professeur depuis votre temps de jeunesse. Vous nous absolument avez fait comprendre. Absolument. Bishop Olo Olo, peut-être on va revenir sur un cas biblique. Cas biblique, roi mage qui sont alertés par l'étoile pour aller vers l'enfant Jésus. Certains astrologues et confrères du professeur estiment que, on l'écoutait encore dans le dernier interview du professeur, c'est qu'il nous faisait savoir que c'est grâce à l'astrologie que certains, je veux dire ceux qui appartiennent à la frange des chrétiens, peuvent se taper la main sur la poitrine et dire nous sommes chrétiens, parce que si l'astrologie n'avait pas joué de son rôle, les rois mages n'auraient pas retrouvé l'enfant Jésus. Ce sont vos propos que je suis en train de paraphraser, professeur, la fois dernière où nous avez accordé cette interview. Alors, quel est votre commentaire, Bishop? Bon, je vous remercie, mais je voudrais déjà dire au professeur, parce que c'est lui qui a dit qu'un débat, ce n'est pas un combat. Nous ne venons pas ici pour nous blesser, mais nous voulons éclairer, parce que, bonne nouvelle, vous voyez, il parle bien ici, il dit que non, nous ne combattons pas, mais il dit quelque chose de grave, il parle des hommes cultivés. Nous ne pouvons pas nous lever et venir ici, sinon on n'a pas la culture dans notre domaine. Il est cultivé dans son domaine. Si nous tournons à côté de nous, nous allons trouver des gens qui sont cultivés dans la vie des ténèbres. Il y a les sorciers, les vampires, ils évoluent, ils sont cultivés. Professeur, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas cultivés. Donc, je voudrais dire, en parlant des rois mages, c'est ouais. Le professeur qui c'est a des cité. Astrologues. Oui, des astrologues. Oui, oui. Ce ne sont pas des rois, ce sont des mages. Oui, bon, des mages. Fait, c'est le professeur. Oui. En fait, c'est ce qu'il a dit. Dieu n'avait pas besoin des mages pour se faire découvrir. C'était, il y avait déjà des prévisions prophétiques depuis le livre de Genèse. Isaïe a prophétisé sur la naissance de Christ. Tout était déjà clair. Tout était déjà clair. Et le professeur a parlé de ce Matthieu 2, mais il a oublié, n'est-ce pas, de pousser Matthieu 2 jusqu'à fond. Le verset 12 nous dit ce que les rois mages, ils étaient venus en venant de l'Orient, ils étaient des astrologues. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, qui est la lumière du monde, Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ils ont abandonné l'astrologie au pied de Jésus, et ils sont rentrés avertis divinement. La Bible dit, ce n'est plus en rentrant, ils avaient changé de métier. Alors, ils n'étaient plus des mages. Ils ne sont pas rentrés, vous voulez nous faire comprendre qu'ils ne sont pas rentrés en consultant une étoile, mais cette fois-ci. Non, ils ne consultaient plus les étoiles. Lorsqu'on atteint Jésus, on n'a plus besoin de l'astrologie. On n'a plus besoin des autres sciences. On a besoin que de la foi. Pour être, on est communiqué, on est en communication avec celui qui, c'est lui qui prend désormais le contrôle des vies. Nous rappelons que l'émission est interactive. Vous pouvez désormais appeler en direct au 243 07 56 32, 243 07 56 32, et par SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Alors, professeur Herman Yegliport, on a écouté tout à l'heure l'intervention du Bishop Ololo. On revenait sur les mages d'Orient dans Matthieu 2, qui sont venus guidés par l'étoile d'Orient, sont repartis avertis divinement par le Saint-Esprit. Oui, mais là, c'est la Bible est réécrite, c'est les Bibles qui sortent après 1950. Oui, parce que, écoutez, moi, j'ai 63 ans. Et puis, les Bibles qui sortent maintenant sont les Bibles réactualisées. Parce que c'est là où on lit, je ne sais pas, dans Luc, ce passage ou quoi, où Jésus, on lui pose la question de savoir quand est-ce que viendra le royaume des cieux. On lit dans ces Bibles actuelles, il est au milieu de vous. Et dans les Bibles avant 1950, il est au-dedans de vous. Alors, quelqu'un va parler des sémantiques, mais un chercheur ne parlera jamais des sémantiques. Parce qu'on lit l'esprit de la lettre, mais pas la lettre. Bon, donc, je ne suis pas venu discuter Bible. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas la Bible. J'ai été baptisé procédant, tout petit, avec ma mère. Elle s'est mariée, je me baptise. On me baptisait catholique. J'ai été témoin de Jéhovah. J'y croyais. Je me suis islamisé pendant un an. Ce n'était pas une aventure d'un prostitué spirituel. Non, je m'explique. Ce n'était pas une aventure d'un prostitué spirituel. Parce que quand on est né curieux pour savoir, pour le savoir, on y va à fond. N'en déplaise mon frère Bishop, que je dise que on est cultivé. La culture, ce n'est pas un domaine. C'est un vaste domaine. C'est-à-dire, on va de coq à l'âne. Je réponds à votre question. Pourquoi tout cela? Parce que on doit faire des recherches anthropologiques dans tous les domaines. Dans le domaine médical, dans le domaine, tous les domaines sociaux. Parce que si vous voulez avoir une vie équilibrée, vous n'allez pas dire que vous allez prier Dieu sans micro. Les gens vont entendre vos voix à travers les ondes. Vous n'allez pas dire que vous n'allez pas avoir besoin d'une radio. Hein? Mais restez en prière dans une chapelle et puis tous les auditeurs des autres radios se branchent à vous. Non, il faut des choses. Il faut porter l'habit. Là où on porte les habits. Et il faut, c'est pas moi, aller nu. Là, on va nu. Vous n'allez pas entrer dans la piscine en train de vous laver avec des habits. Donc, la vie, c'est la diversité. L'être humain est basé, c'est-à-dire la vie d'un être humain est basée sur des aspects innés qui sont en relation avec l'environnement dans lequel il vit. Donc là, on entre dans les habitudes. Et la somme des habitudes transforme l'inné en nous. Parce que l'inné, c'est le tempérament. Chacun avait son tempérament. Mais après, la somme des habitudes crée un caractère. Lorsque on étudie ces choses, on comprend pourquoi c'est normal pour les uns de s'occuper peut-être des problèmes du marché, d'autres des problèmes religieux, certains autres des problèmes de journalisme et tout. Parce que là, on arrive dans une situation où chacun se plaît dans un milieu donné. Alors, l'astrologie n'a rien de magique. Même si les interviews qu'on lit... On parle de mystique? Non. Mystique ne veut rien dire. Parce que même dans la Bible, on dit ce qui est caché aujourd'hui. Demain, ça sera révélé au grand public. Et ça cessera d'être occulte. Si vous ne savez pas que l'arbre de la paix, ou bien la reine des herbes, fait ci, fait ça, et que moi je sais, je peux mystifier l'intervention que je vais faire quand quelqu'un a un problème. Je prends l'herbe, je malaxe avec de l'eau, je fais semblant de faire une incantation, alors que l'incantation là n'a rien à voir. L'herbe est créée pour agir. Mais comme je sais que c'est créé pour agir, c'est pourquoi j'ai cueilli ça. Mais l'autre personne, si on lui demande même de cueillir, ça ne va pas cueillir parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert l'herbe. Okay. Donc, il ne faut pas que ce qui nous échappe soit diabolisé parce que nous, on n'y comprend rien. J'aimerais bien que les chrétiens, par curiosité, ne fût-ce que des clergés, c'est-à-dire les personnes qui gèrent le milieu chrétien, par curiosité, ils apprennent à comprendre les domaines astrologiques et astrophysiques et tout. Mais c'est justement là le problème. Il n'y aura aucun problème à cela. C'est comme la mathématique. Je vous explique où est le problème justement. Parce que c'est vrai que vous avez expliqué que l'astrologie n'est pas de la magie. Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que la Bible condamne clairement l'astrologie, On prend l'auditeur et puis vous répondez à la question tout à l'heure. Un auditeur en ligne, bonsoir. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, soyez les bienvenus, nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. Voilà, c'est Olivier Ndefour du Maquet Pénisoké. Oui? Allez-y, Roger. Olivier. Oui, le professeur a dit tout à l'heure que l'astrologie n'a rien de magique. Et pourtant, je ne trouve pas que c'est ce qui est vrai, parce que la Bible dit dans Ésaïe 47, du verset du 12 au verset 14, que l'astrologie ne vient pas de Dieu, et c'est déterminé là-dedans. Donc je pense que ce que le prophète est en train de dire là, ce sont des choses qui vont détourner les chrétiens mal affermis. Et sur ce point-là, personne ne sera en train de marcher dans la sanctification telle que le Seigneur le veut. Donc il faudrait vraiment qu'on soit en train de suivre la saine doctrine et que nous marchons selon les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense que l'astrologie, vraiment, c'est quelque chose de vraiment démoniaque. Donc on ne devrait même plus en parler parce que les excuses qu'on cherche à trouver là-dessus, vraiment, ça ne marche pas. Ok, voilà, merci Olivier pour votre participation, Charlie Bakoye. Je revenais à vous. Très rapidement, parce qu'on comme j'étais en train de dire tout à l'heure, vous avez dit certes, l'astrologie n'est pas magique, mais est-ce que vous êtes conscient du fait que l'astrologie est clairement interdite par la Bible, sa pratique? La Bible est sérieusement manipulée. Parce que quand je dis la Bible est d'avant 1950, aucun endroit on portait le mot astrologie. Voilà. Si vous venez avec des anciennes éditions, vous ne prouvez pas A plus B que voilà, on a écrit astrologie ici, et je vous dirai oui. On prend cet auditeur, on revient à vous. Voilà. Professeur, permettez, on prend l'auditeur, on revient à vous. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Achille de Maquette. Allez-y, Achille, vous avez 2 minutes. Ok, ok. Je voudrais tout simplement dire vraiment que la Bible dit, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu est clair dans sa parole. Dieu, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme et consort tout ça, mais il dit, Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme, il n'a pas donné le pouvoir de deviner le lendemain de l'homme, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, il dit de venir à lui. Quand on dit à Dieu va te révéler le secret de ton avenir. C'est un homme. Quelle que soit la science, la théologie, ce que vous avez dit, c'est que l'homme est limité et Dieu est illimité. Comprenez, la sagesse de l'homme est limitée, la sagesse de Dieu est illimitée. Donc il n'y a pas question que, quand Dieu dit que l'astrologie n'est pas bien, on commence à chercher des excuses que les hommes de Dieu doivent faire la recherche. La seule recherche que quelqu'un qui veut connaître Dieu doit faire, c'est la Bible. Que la Bible soit pratique ou pas, c'est l'esprit qui guide l'homme. Ce n'est pas les phrases, les mots qui sont pratiqués, que depuis 1900, comment on a fait. Non. Oui, frère. Ok. Merci, frère. Ok, frère. Ne vous enflammez surtout pas chez vous. C'est un débat. On ne va pas mettre le feu aux antennes, frère. Merci bien pour votre réaction. Nous chutons une minute. L'astrologie est interdite. Non, écoutez, je ne peux pas avoir une minute parce que les gens vont réagir à l'antenne. S'il faille que tout le monde qui tire les boulets de canon sur l'astrologie, je réagisse et ils n'auront même plus à parler. C'est ça. Parce que, écoutez, non, attendez. Moi, je ne suis pas venu pour un procès de l'astrologie. Je suis venu à un débat. Je ne suis pas venu. Moi, j'ignore que si c'est la radio des chrétiens. J'ignore. Parce que si je ne l'ignore pas, je ne viens même pas. Parce que moi, je ne suis pas chrétien dans mes propos. Nous sommes d'accord? Et puis, le christianisme n'est pas la seule voie. Soyons sérieux. Parce qu'il y a la diversité. Dieu a fait des courts types, des grands, des types, des personnes, des grands états, les noirs, les blancs, les rouges. Et puis, il y a des couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et tout. Alors, c'est la puissance de Dieu. Parce que je ne discute pas Dieu. Je ne discute pas Dieu. Je ne suis pas en train de dire Dieu n'a rien dit et tout. Pour les chrétiens, Dieu a dit ce que le chrétien peut lire de la Bible. Même si c'est un document à la longue manipulé. Parce que là, à un moment donné, il faut que on dise les choses comme chacun l'entend. Mais moi, je ne veux pas. J'ai dit, je ne discute pas la Bible. Parce que s'il faut que je discute la Bible, je vais prouver que moi aussi, je connais les versets bibliques. Même les versets bibliques des contradictions. Mais mon problème, on n'a pas dit, est-ce que on fait un débat sur la Bible? Non, on fait un débat. Est-ce l'astrologie est nécessaire pour l'être humain? Je n'ai pas dit que c'est nécessaire pour l'être humain ou pas. Je dis ceci. Chaque personne a le droit de faire ce choix. Celui qui choisit d'être chrétien, il l'est. Personne ne doit le lui enlever. Celui qui choisit d'être musulman, il est musulman. Ceux qui choisissent même de ne pas entrer dans ce milieu, ils sont dans leur milieu. Alors, maintenant, le besoin d'amener les gens à ne faire qu'une seule chose, ça devient un manque de démocratie intellectuelle et même spirituelle. Hein? Là, on a parti unique. Suivez mon regard. Là, on se retrouve en Afrique. Oui, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de science pour les débatteurs. Mais il y a des chapelles. Alors que lorsqu'on vient à un débat, c'est vrai. Moi, je vais vous dire une chose. Si j'ai accepté venir, je l'ai accepté comme ça pour voir. Mais je savais que ça ne sera pas un débat. Parce que c'est comme pour dire, ne suivez plus l'horoscope par-ci, par-là. On a voulu bien le procès. Vous avez suivi le procès. Non, moi, je ne suis pas à un procès. Je suis venu à un débat. Okay. Voilà. On va passer la parole maintenant à l'évangéliste. Moi, je vais poser la question fondamentale de ce débat. Devons-nous nous fier aux prévisions astrales, évangéliste? Est-ce qu'on doit se fier aux prévisions astrales? Non. Comme le professeur a dit tout à l'heure, chacun doit prendre son camp. Dès le départ, ici, à mon introduction, j'ai dit qu'il y a deux entités qui gouvernent le monde. Que vous le vouliez ou pas, s'il est censé être dans le camp du diable, il demeurera. Là, Jésus, notre Seigneur, a dit « Mes brebis entendront ma voix, elles viendront ». Peut-être c'est l'occasion pour lui ce soir de retourner à Jésus. Lorsqu'il parle de la multiplicité des voix, Dieu a créé la diversité culturelle, ethnique, des tailles, des couleurs que nous avons pour que nous ayons cette beauté qu'il y a autour de nous. Ne veut pas dire la voix pour retourner à lui. Jésus, notre Seigneur, a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit un chemin. Je suis la vérité. Il n'y a pas dit deux. Donc tout ce qu'il peut faire, chercher là-bas la connaissance. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 10, verset 14 que « Tout homme devient stupide par sa science ». Tout homme devient stupide par ta science. Et au verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Parce que dès le départ, dans une dernière interview avec Lamar, il a dit clairement qu'il n'y a pas de gouvernement mondial qui n'est pas guidé par les mages, qui ne consulte pas les mages. Et c'est vrai. Dans la Bible, on voit Nebuchadnezzar. Consulte pas la magie? Oui, les mages, ils ont les sages autour. Okay. En Chaldée, c'est clair. Dans la Bible, on voit effectivement Daniel, c'est au cours de à la cour du roi, on voit effectivement qu'il est magicien. Mais à un moment donné, on voit effectivement que Dieu a caché une révélation et a donné uniquement au prophète Daniel. Donc la magie, la divination et l'astrologie, comme il est en train de vouloir faire la fuite en avant en disant que l'astrologie est une science, l'astrologie c'est la divination. Et lui, il a dit dans ses propos, dans un interview. Donc il y a des domaines, il y a les magistes, donc, tels qu'il a dit, qui sont des sciences d'études. Mais dès le départ, il y a des sciences occultes derrière. Qui dit occulte dit caché. Et ce qui est révélé doit être fait par le Saint-Esprit selon la Bible. Si c'est autrement, c'est démoniaque. Donc il faut seulement que tous, et lui et ses adeptes, viennent à la repentance à Jésus. Alors, évangéliste, vous semblez avoir beaucoup suivi le professeur. Hein, vous ne faites que le citer dans les interviews. Je trace toute personne qui combat le royaume de mon père. Vous reconnaissez vos interviews quand même. Bishop Ololo, vous, quand même, la fois dernière, vous avez fait comprendre que quand vous n'étiez pas chrétien, vous étiez un adepte de l'horoscope. Quelle est la différence aujourd'hui entre le bishop Ololo qui suivait les prévisions astrales et celui-là qui est conduit par la parole de Dieu? Je dois dire que j'étais victime. Écoutez un peu. Lorsque vous suivez ces choses, je fais la bêtise un jour parce que j'entends l'aventure mystérieuse, je suivais toujours ça. Et on me dit, si vous, sur votre porte, vous faites l'étoile de David, vous faites le signe 666 au milieu, vous êtes protégé par les... Je vous dis, dès que j'ai fait cela, ah non, les démons défilaient chez moi, c'était vraiment... vous voyez, c'est des choses terribles, c'est des signes. Or, nous voyons dans la Bible, Dieu donne également des signes. Il donne un signe dans Exode 12, le signe que Israël avait utilisé en Égypte, même comme le professeur dit que la Bible est falsifiée, tout ça. Mais je dis ce que j'ai vécu. Je ne suis pas loin d'avoir son âge aussi. J'ai vécu, j'ai fait ces choses-là. J'étais perdu dans ces sciences-là, mais ma vie était une suite. N'est-ce pas une décadence? J'allais d'un malheur à un autre. Lorsque j'ai donné, parce que ça, il faut vraiment le dire, j'étais dans une église, j'étais religieux. Lorsque j'ai donné véritablement ma vie à Jésus, tout a changé. Parce que, bon, si vous lisez dans le livre vous lisez dans Actes des Apôtres 19, vous verrez les problèmes de Paul commencent à Éphèse lorsqu'il dénonce ces sciences-là. Parce que les Éphésiens, ils ont Diane. Et on parle d'un simulacre de Diane qui est tombé du ciel. Et c'est en ce moment-là que les Éphésiens vont se lever et combattre l'apôtre Paul. Il va se retrouver en prison, il va se retrouver. Parce que c'est une industrie, tout ce que nous faisons aujourd'hui. L'astrologie, bon, il y a des adeptes, mais j'ai dit une chose, c'est une science démoniaque. Ok, on aura compris, on va prendre ce SMS également avant de repartir pour peut-être un dernier tour de table. Charlie Bacoudi, parce que nous n'avons plus assez de temps. Alors, le SMS qui arrive au 699 49 37 90, le psaume 115 au verset 16 dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au fils de l'homme. Donc les cieux, les astres, les autres sont les choses des fils de l'homme. Donc les enfants de Dieu sont bien placés car l'astrologue par excellence, c'est le Saint-Esprit, le message signé de Mathieu Bayemia qui ont dit bonsoir. On va prendre cet appel qui nous arrive, 243-07-56-32. Bonsoir. Allô? Oui, c'est toujours Achille. Je vais revenir. Je voudrais que... Achille, vous aurez une minute parce que nous sommes tenus par le temps. Allez-y. Donc, je vais vous donner une illustration. Jésus, sur la montagne de transfiguration, quand il est venu, Pierre a vu Élie et Moïse auprès de lui, et Pierre a commencé à dire que construisons trois tentes. Mais la Bible dit qu'après ça, une voix s'est entendue, il dit que celui-ci est le fils d'écouter-le. Donc ça dit que quoi? Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas que chez quelqu'un, il n'y a pas la démocratie dans la spiritualité. Il y a un seul chemin. Merci. Ok, merci. Un autre message avant que le professeur prenne la parole. Le message vous est adressé, professeur. Monsieur le professeur, s'il vous plaît, donnez votre vie en Christ. Il vous aime, c'est pourquoi il vous a conduit à cette émission. Le message est signé de Yoshiva, personnellement. Oui, mais c'est une radio de l'église. Donc c'est normal que tous ceux qui vous écoutent sont chrétiens d'abord. Ça veut dire que vous conditionnez l'écoute. Ou bien alors les gens qui ne sont pas chrétiens vous zappent. Et ce n'est pas bien, parce que ça aurait été que dans les intervenants, qu'il y ait des gens de tous bords, que j'aurais dû donner la grandeur à cette radio. Alors, mais je vais demander aux évangélistes et tous ceux qui sont aussi de lire Genèse chapitre 6, de 1 à 7. Il n'y a que le Dieu de l'Église, ou bien des chrétiens qui regrettent. Hein? Il n'y a que le Dieu des chrétiens qui regrette. C'est le verset 6, aucun Dieu ne regrette au monde. Oui. Moi, le Dieu que je glorifie, que vous l'appeliez, comment vous l'appelez? le Dieu des diables, ou bien comme vous appelez qu'il y a deux mondes, le monde des ténèbres et le monde des lumières. Oui. Bon, appelez ça comme vous voulez, parce que vous aviez votre droit d'apprécier les choses. Mais moi, le Dieu que je crois, c'est le Dieu de l'Africain que je suis. Je ne pourrai jamais être colonisé, ni par le diplôme qu'on m'a donné avec le blanc, parce que je ne suis pas un civilisé, ni par le système mis en place, parce que l'école française en Afrique, c'est pour civiliser les Noirs. Et aucun Africain n'arrive à busquer le monde. L'Afrique ne vend rien nulle part. Mais on gobe tout des autres. L'alcool, la nourriture. Vous n'aurez jamais vos nourritures dans les restaurants. Ne fût-ce que la nourriture africaine dans les restaurants africains. Vous n'aurez jamais le droit de croire en Dieu selon l'Afrique. Vous n'avez rien, n'avez droit à rien quand on est africain. Alors moi je dis ceci. Je ne suis pas ce genre d'Africain. Je trie. Qu'on m'appelle diable ou quoi. J'ai pris du temps pour comprendre le monde. Et cette prise de décision d'aller vers les connaissances, parce que la connaissance s'acquiert, ça ne se transmet pas. La connaissance n'est pas un héritage. Si mes parents étaient chrétiens, je ne suis pas obligé de l'être. Parce qu'on n'hérite pas Dieu, on le cherche. On cherche à l'acquérir. Et on ne peut pas acquérir les diplômes au prix de sacrifices. Et Dieu, on le ramasse en route par le fait que mon père était chrétien, ma mère chrétienne, et on se met dedans. Non. Alors donc, moi je dis ceci. Lisez votre Bible. Oui. Genèse 6, de 1 à 7. Oui. Alors, quand on finit de lire ça, on tombe. Parce que c'est comment les fils de Dieu se sont mis. Oui. Bon. Alors, quand on lit ça, on tombe sur l'arche de Noé. Oui. On comprend que Dieu, à un moment donné, parce qu'il s'est mis en cause, il a fini par demander à Noé de faire quelque chose. Oui. Et après, Jésus revient, toujours votre Dieu de la Bible. Oui. Jésus revient pour nous sauver. Comme pour dire que du moment où Noé, tout a été trié, jusqu'à ce que Dieu soit satisfait d'avoir envoyé le déluge, ça n'a pas été suffisant. Il faut maintenant le sacrifice de son fils. Oui. Et ce fils-là, il passe par la femme de quelqu'un, hein, et Joseph. Oui. Jusqu'à Joseph est intimidé dans un songe de rester tranquille parce que l'enfant qui est de ce ventre-là est de Dieu. Écoutez, moi, ces histoires-là, c'est ça qui m'a fait, je me suis mis du côté d'Islam. Et là, je vous dirai parce que m'est sorti de l'islam, parce que le jour que je serai dans la radio islamique, je vais aussi dire qu'est-ce qui va se faire sortir de l'islam. Peut-être voilà. Dernier mot, dernier tour de table. Il faut après sortir. Être passé par l'église protestante, par le catholicisme, par les témoins de Jéhovah, par l'islam, quelle est votre prochaine destination? Ma prochaine destination, je suis africain, j'ai compris. Voilà. Ok. Donc vous restez africain. Voilà. Ok. Évangéliste Tchabda, on va juste. Beaucoup de choses ont été dites. Il a cité tout à l'heure le royaume de Dieu au milieu de vous. Il est parmi vous. Et la Bible version 1950. Je vais d'abord lui rappeler que les deux versets dont il a parlé, c'est tout justement dans notre Bible de 1950 dont il parle là. Et les deux, dans l'un des versets, on parle du royaume de Dieu. Dans l'autre, on parle du royaume de Dieu. Il faut expliquer encore cela. Non, c'était pas le royaume de Dieu. Au-dedans de vous, royaume que vous cherchez, c'est au milieu de vous. J'ai dit la terminologie qui vous dérange. Oui, mais au milieu de vous, c'est que c'est Jésus. Et Jésus n'a jamais dit qu'il était le royaume de Dieu. Non, j'ai dit donc ceci. C'est ça, parce que vous n'avez pas compris pourquoi j'ai choisi cette partie-là. Non, j'ai compris. J'ai compris. Je disais que le professeur disait que le premier c'est au-dedans et puis au milieu de vous. J'ai dit donc que ces deux versets, tels qu'il les a cités distinctement, se trouvent distinctement dans la Bible de 1950 dont il parle. Maintenant, une autre façon d'agir. Ça ne se trouve pas distinctement dans la Bible de 1950. D'avant 1950. Je n'ai pas dit 1950. Avant. Je voudrais vous citer la version Ostéval ici, la version Martin et la version même de l'épée. Mais de toute façon, je voulais dire ceci. La façon de faire de Satan est identique. Quand vous touchez avec un musulman, il va dire que la Bible vous avez truqué. Vous remarquez très bien que quand il va vouloir déshabiller l'évangile, il va prendre les versets qui les encouragent et par la suite il va dire que l'astronomie. Ah, mais tout le monde fait ça, même les chrétiens, ils vous conditionnent à partir des versets bibliques. Mais non, je ne vais pas laisser parce que le débat a beaucoup pesé sur. Un côté, nous donc, avons écouté. Non, seul, il a les adeptes. Je préfère lire ce que Dieu dit, nonobstant du fait qu'il. J'ai voulu que vous lisez l'endroit, vous le commentez. Mais ensuite, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de te consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel. Qui observent les as, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu le consumera. C'était votre dernier mot. Merci. Permettez que Bishop termine. Votre réaction devient démoniaque, professeur. Laissez-nous parler aussi. Donnez votre vie au Seigneur. Non. Qui est minoritaire? Vous terminez avec eux et vous on vous donne. Oui. Laissez-nous terminer. Professeur, vous n'étiez pas dans ce studio. Lorsque vous avez cité la Bible dans Matthieu 2, mais vous avez choisi vous avez tiré des versets qui vous avaient pris, et j'ai à votre suite, toujours dans le même livre de Matthieu 2, j'avais conclu, professeur, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus comme les mages l'avaient fait. Parce que quand il rentrait en Orient, il n'était plus conduit par l'astrologie. Vraiment, si vous sortez de ce studio étant astrologue, vraiment, ça c'est on aura fait notre métier. Je vous donner votre vie au Seigneur. Les mages n'ont jamais dû se dérober de leur métier de mage. Les mages ont plutôt refusé d'aller dire à l'autre, à Hérode, avertir Hérode pour qu'il ne vienne tuer Jésus, c'est tout. Donc il faut pas commenter ça comme vous voulez. Nous lisons le français. Alors nous sommes obligés. Quel est votre dernier mot? Oui, mon dernier mot c'est que l'église, c'est pour les âmes superstitieuses. Ok. Superstitieuses. Alors, moi, je ne suis pas superstitieux. Moi, je suis un chercheur. Okay. Voilà. Vous ne prendrez jamais le chemin de Jésus-Christ. Mais le chemin de Jésus, il n'a pas, il a pas qu'un seul chemin. Tu diras quoi des musulmans? Attends, tu diras quoi des musulmans? Tu diras quoi des bouddhistes? Tu diras quoi des asiatiques? Il n'y a que l'Afrique qui pour un chemin. Il n'y a que l'Afrique. Professeur, c'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Professeur, vous faites la même erreur que les autres. Mais non, les pays les plus pauvres du monde sont les pays qui ont cru à Jésus selon la colonisation. La Bible explique tout ça. C'est ça. C'est que les Africains. Mais non, la Bible est écrite sur mesure. Donc, c'est ça. Excuse-moi, tu as lu là. C'est du pipeau. Merci, professeur Emmanuel Glipov. Merci d'avoir participé à ce débat. On vous remercie d'avoir été là. Tout à fait. Ok. Alors, évangéliste Chabda, merci également. Que Dieu bénisse le professeur et qu'il délivre de ses griffes toute personne qui se sent oubliée. Amen. Amen. Bishop Ololo, merci. Le professeur demandait que le Seigneur touche son esprit. Parce que la Bible dit, oh, professeur, ce comportement est démoniaque, professeur. Jésus est le fils de Dieu. Oui, moi je respecte Jésus, mais je ne vais pas. Il est le fils de Dieu. On ne peut pas refuser cela. Mais non. Oui, on peut prier. Vous ne voulez pas que l'émission se termine, ça ne va pas se terminer. Non, moi je ne veux pas m'aider. Professeur, merci. Merci, professeur. Merci, évangéliste. Et dans cette maison maintenant, nous prions pour cette émission, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, pour tous ceux qui étaient ancrés à l'idolâtrie et à l'horoscope. Nous prions que tu les délivres par ces messages au nom puissant du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci à tous. Saint-Esprit vient. Pour une autre émission, restez connectés sur les programmes de Radio Bonne Nouvelle qui se poursuivent.